Exercice 69. C'est un interrogatoire. Répondez par oui. Exemple. Il neigeait ce jour-là? Oui, il neigeait. À vous. Il faisait froid? Oui, il faisait froid. On pouvait quand même circuler. Oui, on pouvait quand même circuler. Elle habitait loin de chez vous? Oui, elle habitait loin de chez moi. Vous alliez parfois la voir? Oui, parfois j'y allais.